Eve Boutique, temple de l'habillement à pointe noire. Hasta Pink Ladies à Abidjan. Très fort. Les nobles, Robert Mouyengo. Les mots je t'aime. Prends 3 secondes pour le dire. 3 heures pour l'expliquer. Dans une vie pour le prouver. Charles Taboamissi, Chibé Charati, l'intouchable Ludo Moussama. Oriane et Lyon, la pépite d'or. Alain Michel Ubar, Chloé Ubar. Bendo yakina finanga na système ya mbinzo. Après avoir posté mon silsina et le ningafle. Oke kokome la nani angoli pungu pungwe. Pobo s'envole na l'île de mer. Na nuit de plaisir, nuit de noce, nuit de chocho. King Jacques Bengue, Chantel Boulassa, Sraf Oyes. Allume une bougie au lieu de maudire l'obscurité. On n'y a pas si beau, on a mis les couillardés. Et aussi pour se taper, pour t'aider dans ce là. Mais vous voyez bien que les familles sont côté de l'île. Dans ma société, le monde, au bout de la famille, va tout bonnie. Vertil Sombola et Agent Paul Sombola. J'ai souffert d'une maladie balayée comme mon amour. Tangona mona yone nana soit qui guérison. Olo bakina la tokubu yanati. Kakaliwa et kokabola qui son soukama lobeta la kia. Passage chez vous. tikangona motema inoel moya ya mayi ndenge tikangona lo general d'amour moya sa linde mystère mana kanga mina miololo ya santima mbenge na nai kopi melanga ya mote soyango monuse rocheri ya kato seperite orona nae soki olingi ngaye babelanga mosima soki olingi na loba na manulu paka loba na bito mavungu loba na jetema nga na te motema nalumusinga na lipesi nyonso litaka yango yosakana na yango sirbula ikangama na mapata likolo jetema nga na te motema nalumusinga na lipesi nyonso biso nyembo litaka yango yosakana na yango sirbula ikangama na mapata likolo Cécile maman à Colline Paul Malier Terzou Zola Pelangé Honorable Jean-Marie Moula Touba Naba Pangangé Oranga na se monte maé Evelini Cardoso maman à se monte maé Papi kakia che monte maé Olé mouké di caresse Tilo kakia che monte maé Oranga mi fe signo soé Brunel te plisse Tika mambu nena sala e Shakira Itaka ya moyo sakana na yango Sirkula ika mama na mapata likolo Amu mweza linde miste Nana kanga mina minyololo ya santima Mene nana itopi melanga ya mote Sayango munu zero sheri ya kato sefer sute Tete simatize soto lingi na ye Babelanga mochima soki olingi na loba na abelanga molundwe soki olingi na ye abelanga mochima jamari kasamba loba na ye abelanga molundwe inele sasu loba na ye kinowele sekina amumwe salinde mister manakanga mina minyololo ya santima obonga ngai kopi melanga ya mote sayango munuse osheri ya kato sepesute mbenge na ngai mimi nakanguti parisesie siselebefose atiti istinaeaenge Jenny Plain à Londres, Fernandez.